est magnifique, Tony est merveilleux. Anthony est unique, Anthony a de beaux yeux. Il donne de l'argent aux plus démunis. Tony est un géant, Anthony est un génie. Il sait faire de la sauce avec de la crème fraîche et du thon que l'on prend dans une boîte de conserve. On la met sur des pâtes avec un peu de gruyère, une pointe de magie et de la vache qui rit. Tony est magnifique, Tony est merveilleux. Anthony est unique, Anthony a de beaux yeux. Il donne de l'argent aux plus démunis. Tony est un géant, Tony est un génie. Il sait faire des chansons avec des mots d'amour, des accords de guitare et un peu de tambour. On les met sur des pâtes avec un peu de gruyère, une pointe de magie et bonne année grand-mère. Tony est magnifique, Tony est merveilleux. Anthony est unique, Anthony a de beaux yeux. Il donne de l'argent aux plus démunis. Tony est un géant, Anthony est un génie. Tony est magnifique, Tony est merveilleux. Anthony est unique, Anthony a de beaux yeux. Il donne de l'argent aux plus démunis. Tony est un géant, Anthony est un génie.